Chapitre 14. Husselin partit le jour même. Fauvarc, confiné dans l'atelier, et Poteau en promenade dans les bois, ne le saluèrent pas à son départ. Jeanne, René et Foutrelle le conduisirent jusqu'à la grille, et Berthe, une des valises en main, l'accompagna jusqu'à la gare. Elle était émue, pleurait, et tout en s'essuyant les yeux avec son tablier, bredouillait. « Quelle misère ! Ah, que je suis malheureuse ! Monsieur Fauvarc est fâché. Monsieur Husselin s'en va. Mon Dieu, que je suis malheureuse !» Voyant Jeanne très affectée par son départ, Husselin lui avait baisé la main. Sa douleur était profonde, et une heure avait suffi pour entourer ses yeux de cernes. Au creux subi de ses joues, sa barbe semblait fausse. « J'avais espéré, murmura-t-il, pouvoir guider Fauvarc. Dès le premier jour, je me suis senti impuissant. Il tue mes élans, se moque de mes conseils. Vous ne savez pas le mal qu'il m'a fait. Pardonnez-nous, Husselin. Durant des nuits entières, j'ai veillé songeant à lui et à vous. Le souci de votre bonheur m'a hanté. Car vous devriez être heureuse, Jeanne, et vous ne l'êtes pas. Vous méritez un de ces bonheurs sans ombre que des femmes très pures, très nobles, très belles ont connu. Elles sont rares, mais je vous voyais parmi elles. » Ces mots qu'elle écoutait et ramenait à elle-même déchiraient le cœur de Berthe. En s'éloignant, elle continuait à se lamenter. « Quelle misère, que je suis malheureuse ! Ah, comme vous avez de bons sentiments, monsieur Husselin !»« Vous êtes trop sensible, ma fille. Vous souffrirez beaucoup dans la vie, » lui répondait Husselin en s'arrêtant. Il était parvenu aux deux noyers qui, sur la route, formaient comme les sentinelles avancées de la maison du peintre. Il se retourna. Plus personne à la grille. L'atelier frappé de soleil était silencieux. À cette distance, Jeanne, René, Foutrelle, Poteau étaient oubliés. Une seule image subsistait pour Husselin. Bien qu'il ne vît personne, avec le bras qui restait libre, il fit des moulinets tumultueux et poussa un cri. « Adieu, Fauvarc !» René demeura encore 48 heures auprès de Jeanne. Elle aussi était en crise et devait mettre de l'ordre dans ses rapports avec Poteau. Le rapprochement dans cette maison aggravait l'engagement qui la liait à lui, et pour rien au monde, elle ne l'épouserait, après l'expérience des mois passés entre Husselin et Fauvarc. Elle quitta donc Jeanne, qui fut inconsolable, mais lui donna raison. Foutrelle partit à son tour, le lendemain. Il était en difficulté avec son père, et prévoyait de l'aller voir à Limoges. « Bon courage, mon vieux, lui dit Fauvarc. Pour ce qui est de nous, sois sans inquiétude. Je travaille, nous avons encore 10 jours à rester dans la maison. Tout va bien. Ça ne pourrait pas aller mieux. » Jeanne et Fauvarc se trouvèrent de nouveau seuls dans la maison vide. Mais Fauvarc s'étonna de l'attitude fermée, dédaigneuse et pleine de réticence qu'observa Jeanne. Tous les amis partis, la maison pour eux deux, de belles journées. N'était-ce pas le moment de reprendre contact, de s'épancher et de construire ensemble les splendides projets dont son cerveau était en fièvre et que prouvait depuis 3 jours l'avancement rapide de sa dernière fresque? Le soir même, à table, il lui dit « Mais qu'as-tu donc? Tu ne peux pas avoir peur puisque moi j'envisage l'avenir avec une joie sans mélange. » « C'est ce qui m'inquiète le plus, » répondit Jeanne froidement. « Tu as pourtant confiance en moi ?»« Non. » « Tu n'as pas confiance en moi ?»« Non. »